Chapitre 7e. Il y avait dans le salon une portière en damas rouge qui masquait sans doute une chambre voisine et se gonflait de temps en temps sous des bouffées d'air comprimé. M. Levé souleva avec la main un coin de cette tenture. Georges vit alors se détacher dans l'encadrement de la porte rayée de dorure une beauté resplendissante. Elle était nonchalamment assise dans un fauteuil, au milieu d'une chambre à fenêtre ouverte sur le jardin et obscurcie par des stores abaissés. Elle chiffonnait des fleurs et des rubans entre ses doigts. Fritz demeura ébloui. Le portrait à l'huile du salon lui avait d'abord semblé impossible. Maintenant, il restait bien au-dessous du modèle. La femme qu'il avait devant les yeux se nommait Pulcherie. C'était bien le nom qui lui convenait. Une couronne de 17 roses blanches, symbole de ses années, qui pour elle n'étaient encore que des fleurs de printemps, ornait son front. Elle était brune. Des bandeaux lisses et plaqués sévèrement sur les tempes encadraient sa figure ovale. Le reste des cheveux était attiré par derrière et noué sur le fond de tête avec une simplicité grecque. Ses yeux étaient grands et noirs. Le menton bien soutenu et la ligne du nez, attachée au front sans rupture, donnaient à son profil un air antique du plus grand caractère. Si de la figure, qui était un modèle de grâce et de sévérité, nous descendions aux magnificences du cou, des bras, des épaules, des mains et des pieds infiniment petits, nous rencontrerions un ensemble de formes ravissantes qu'on retrouverait malaisément aux autres femmes. L'idée vint à Georges Fritz que Pulcherie avait épuisé en beauté tout l'art de la nature. Cette fille était une œuvre inachevée. Pour la faire aussi belle d'âme qu'elle était de corps, il fallait peut-être que le Créateur s'y reprît à deux fois. Le travail de la nature s'était porté entièrement sur l'enveloppe mortelle de cette femme et s'était arrêté là. C'était la forme avec toutes ses splendeurs et ses richesses, mais l'esprit manquait. Il y avait dans Pulcherie la première moitié d'une femme accomplie, il n'y avait pas la seconde. C'était donc une créature imparfaite sur laquelle le dernier souffle de la vie n'était pas encore descendu. En venant au monde, elle avait donné les plus heureuses espérances. On n'avait jamais vu de pareil enfant. C'était partout, sur son compte, une admiration et un étonnement sans fin. On ne pouvait revenir de ses jolis bras, de ses petits pieds, de ses grands yeux. Et Madame de B se trouvait trois fois heureuse d'être mère. Mais avec les années, l'âge de la raison était venu et l'enfant était demeuré. Pulcherie avait à peine l'intelligence d'une petite fille de 3 ans. Sa jolie bouche ne formait que des sons inarticulés. Elle n'était pourtant ni muette ni sourde. Mais n'ayant point de pensée, elle ne faisait aucun usage de sa langue. Le plus souvent, elle passait des journées entières en silence, abattue et nonchalante. Le soleil lui redonnait un peu de vie. Elle relevait alors sa tête comme une belle de jour, ouvrait ses grands yeux noirs pleins de sommeil et regardait vaguement autour d'elle d'un air étonné. Puis elle retombait sur un fauteuil, ses yeux noirs se voilaient de paupières blanches, sa tête lourde penchait comme un pavot endormi et elle reprenait son immobilité. Le jeune docteur ne tarda pas à remarquer en elle cette absence d'animation et de mouvement qu'est la beauté de la vie. Ses yeux étaient grands et noirs, mais sans regard. Sa bouche, admirablement faite, avec le sourire insignifiant et mignard d'une bouche d'enfant. Ses bras magnifiques, sa taille et son cou de reine, n'étant point soutenus par la volonté, se laissaient aller et fléchissaient mollement. Tout son corps semblait obéir à cette loi de gravitation qui attire vers la terre les êtres inanimés. On voit que ce beau corps, pour être parfait, aurait besoin du secours de l'esprit. Une jolie femme qui a de l'esprit est jolie 1000 fois, tandis que Pulcherie n'avait qu'une figure, charmante sans doute, mais toujours la même. Or, l'âme, sans cesse mobile dans ses pensées et ses émotions, peut seule opérer ce miracle de la multiplication de la femme qui répond au désir infini de notre cœur. Après quelques instants d'admiration muette, Georges Fritz s'étonna de trouver Pulcherie un peu moins belle qu'au premier regard. Il se mit alors à lui chercher quelques défauts, et il ne lui en trouva aucun. Elle était réellement parfaite en tout, seulement c'était toujours cette figure pareille et cette même beauté monotone, tandis qu'une autre femme d'esprit et de cœur en eût déjà changé plusieurs fois en sa présence. Ce n'était pas assez du corps ni de la figure pour plaire. Il faut encore que la physionomie s'en mêle. La physionomie est le style de la figure, et comme il n'y a pas de style sans pensée, Pulcherie n'en avait aucune. Elle manquait de cet accent qui fait si bien valoir la beauté du visage et qui va quelquefois jusqu'à en effacer la laideur. Le caractère uniforme de ses traits finissait par amener l'ennui. Tout en elle était bien fait et bien proportionné, il ne lui manquait qu'un peu d'âme pour être complètement belle.